des jeunes, ouais. Rêve de Scarface, politique, ghetto, max de liasse, cuir, blues, team boots pour les assauts. Alerte rouge, le cash plombe les âmes. La flamme de la jeunesse disparaît, on se condamne. Restons liés, les temps ont changé. Tous ensemble pour combattre le mal, bâtir un futur, gagner sa liberté par le prix du travail. Combien de mes proches ai-je pu gâcher leur talent? Ont déjà des corps d'hommes, ne reste que des enfants. Désir être grand, la rue, pas de cadeau. Stimule tes neurones, assume tes actes, bouge. Pour rester en forme, en somme, construis ta vie. Retiens mon récit pour rester en vie, survivre dans un monde fou. De yens où l'état nous fait perdre le contrôle de nous-mêmes. La force intérieure pour rester intact, au devant de toutes attaques. Le lion que je suis rugit pour les jeunes populations. Mon rap prière pour tous ceux qui combattent cet enfer. Notre existence est une feuille que balade le vent. Dans un monde où parfois paraît la vie, je nous souffle brusquement. Une vie est quatre saisons, une mort pour refleurir en quatre saisons. Notre existence est une feuille que balade le vent. Dans un monde où parfois paraît la vie, je nous souffle brusquement. Une vie est quatre saisons, une mort pour refleurir en quatre saisons. Hey yo, je lâche les grenades, Gianni Star, HS, Sassili. Contact mes rimes à travers le béton, se balance crédit. Côtoie les beaux jours et les malheurs de certains. Il se lit qu'on vit surtout par la pensée, la vision d'un lendemain. Combien de fleurs se fanent même avec le soleil. Le monde semble si gris-gris qui vire au noir, attire l'apocalypse. J'ai peur pour mon fils de n'être pas là pour le protéger de la vie et ses vices. Des situations à haut risque. Ma destinée en croix, ma mort tombera le jour J pour que j'évacue mon corps. À la recherche d'un nouveau décor. Faut que je sois fort, plus encore. Plus fort que les dangers qui veulent m'endormir. Mener mystère au pied à la morgue. Les flics me narguent, mes frères, bavures policières. Quels sont ceux qui n'ont pas passé une nuit? Des claques la tête en l'air. Enfer devient réalité, la galère une banalité. De nos jours c'est le mal par le mal pour s'en tirer. Notre existence est une feuille que balade le vent. Dans un monde où parfois paraît la vie, je nous souffle brusquement. Une vie est quatre saisons, une mort pour refleurir en quatre saisons. Notre existence est une feuille que balade le vent. Dans un monde où parfois paraît la vie, je nous souffle brusquement. Une vie est quatre saisons, une mort pour refleurir en quatre saisons. Je laisse parler les faux, les bavards, ceux qui veulent faire de la vie un bazar rempli de bêtises immorales, de bas paradis rural. Les hypocrites entre les avenues, tchatchent sur les fesses des gestes. En fait, je crois que c'est l'ignorance qui joue sur leur point de vue. La foi se perd de nos jours, les temps sont durs. Nous sommes les pions d'un échec universel où le bien et le mal se perdent. Que faire dans un domaine où tu ne sais où aller? Que dire pour enfin retrouver la volonté? Notre existence est une feuille que balade le vent. Dans un monde où parfois paraît la bise, nous se brusquement. Une vie est quatre saisons, une mort pour refleurir en quatre saisons. Notre existence est une feuille que balade le vent. Dans un monde où parfois paraît la vie, nous souffle brusquement. Une vie est quatre saisons, une mort pour refleurir en quatre saisons. Notre existence est une feuille que balade le vent. Dans un monde où parfois paraît la vie, nous souffle brusquement. Une vie est quatre saisons, une mort pour refleurir en quatre saisons. Notre existence est une feuille que balade le vent. Dans un monde où parfois paraît la vie, nous souffle brusquement. Une vie est quatre saisons, une mort pour refleurir en quatre saisons. Notre existence est une feuille que balade le vent. Dans un monde où parfois paraît la vie, nous souffle brusquement. Une vie est quatre saisons, une mort pour refleurir en quatre saisons.